Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30, sur Radio Gamozo. Bon, mon coup de cœur de cette semaine s'appelle La Théorie Gaïa. C'est de Maxime Chatham. Maxime Chatham, si vous aimez lire, vous devez connaître, il est assez fort quand même. C'est un auteur de romans assez fort, en thriller, policier, qui vire parfois à l'horreur quand même. Comme d'ailleurs ce livre, La Théorie Gaïa, ça vire parfois un pas à l'horreur. Ouais, c'est... voilà. Bon. Donc le livre est paru le 30 avril 2008 chez Albin Michel et il a été publié par la suite chez Pocket. En fait, il fait partie d'une trilogie qui se nomme Les Arcanes du Chaos. Donc dans cette trilogie, les histoires n'ont aucun lien entre elles, il n'y a aucun personnage qui sont communs. Et en fait, il essaie de raconter, à ce que j'ai compris, comment, selon lui, l'homme, il s'autodétruirait et il détruirait la planète en même temps. Donc ça, en fait, un peu à la manière de Da Vinci Code et de Ange et Démon et compagnie, c'est pas la même histoire. Bon, là-dedans, il y a le même héros, toujours, Robert Langdon, mais c'est pas la même histoire, quoi. Et il n'y a aucun rapport entre les histoires. Bon, bref, voilà. Donc, personnellement, je l'ai lu en entier, deux fois d'ailleurs. Il est absolument génial, je trouve génial. Il y a un seul tome, du coup. Je vais vous lire le résumé. Donc, la Terre, dans un futur proche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Multiplication des catastrophes naturelles, instinct de prédation en pleine recrudescence, accroissement exponentiel des tueurs en série. La planète se meurt et nous sommes son cancer. L'humanité est son propre virus. Appelé d'urgence par la Commission européenne, un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui s'annonce. Dans un monde livré aux éléments où toute la violence de l'homme semble éclater soudainement, le secret d'État se révèle explosif. Inavouable, survivront-ils ? Survivrons-nous ? Donc, ouais. Donc si jamais cœur sensible, s'abstenir, surtout la fin. Il y a quelques petits passages que je peux vous citer d'ailleurs qui sont absolument géniaux. À un moment, bon, déjà il faut remettre le cadre. Donc allez, attention, je vais vous spoiler par contre un tout petit peu le livre, un peu la fin. Donc l'homme est envoyé au pic du Midi pour résoudre une affaire. Et la femme, elle est envoyée sur une île en Polynésie. Sauf qu'en fait, la femme en arrivant, elle se rend compte que là-haut, de base, ils expérimentaient de modifier un truc dans le cerveau de personnes, d'accord, tout va bien jusque-là. Sauf qu'évidemment, ils ont l'intelligence de prendre les pires criminels et les pires psychopathes de la planète. Évidemment, ils s'évadent, ils sont dotés de pouvoirs un tout petit peu supérieurs, genre un tout petit peu plus de puissance. Et grâce à des lunettes de vision nocturne, ils commencent à décimer les deux villages qui sont sur l'île, parce qu'il y a quand même 500 habitants. Donc ils tuent tranquillement 300, 400 habitants, et ils s'en gardent 100 pour... faire des choses pas géniales, on va dire. À un moment, je sais que pour passer leur haine sur des gens qui s'étaient échappés, ils ont écorché 3-4 personnes vivantes, comme ça. C'est assez horrible. Bon, je vais pas vous passer les détails, je vais vous passer les détails, parce que c'est pas très ragoûtant, on va dire. Mais voilà, quoi. Bon. Donc, voilà, La Théorie Gaïa de Maxime Chatham, aux éditions Pocket et Albin Michel. Donc, que je vous conseille très très fortement. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Bonne semaine à vous, et à la semaine prochaine.